Allô, Mzé. Bon, bien quoi? Fesse, bien quoi? Ah, j'ai vu le 00269 s'afficher là. C'est moi, hein. Chavez, ah, ouais. Bien ou quoi? Ouais, c'est comment alors, Roissy? T'es déjà là-bas? Ah, vas-y, déjà, on aurait dû décoller depuis. Mais non, galère. Je viens juste d'enregistrer mes bagages. Sérieux? Ah, ouais, laisse tomber. Oh lolo, je connais la taronne, elle m'a dit que c'est ouais, comme d'hab. Ah, je connais, gros, je connais. De ouf. Ah, ouais, mais bien, les gens, ils ont besoin de trucs, là, ils ont besoin de trucs. Ouais, sinon, là, les infos, ils me rendent ouf, gros. Ah, je suis avec Arlène, elle est en train de me rendre ouf. Chroma, chroma. Vas-y, là, tiens. Vas-y, demain, toi. Demain, alors, hein. Ouais, gros, demain, tu sais pas, là, je suis trop dans le speed. Demain, Inch'Allah, ça va. Ah, ya, 14 ans. Ah, en plus, t'as plus de crédit, gros, ça va couper. Vas-y, demain. Vas-y, demain.